Il restait là. Le jour s'éteignit. Les ténèbres emplirent tout le ciel de leur houle funèbre. Il restait là, roulés comme de petits tas de feuilles, grelottant leurs fièvres acharnées, si vagues dans la nuit qu'on ne les trouva pas. Ils formaient un obstacle aux bêtes étonnées, embarrant le sentier tracé de chaque soir. Les unes s'arrêtaient, timides pour les voir, d'autres les parcouraient ainsi que des épaves. Des limaces rampaient sur eux, traînant leurs baves. Des insectes fouillaient les replis de leur corps, et d'autres s'installaient dessus, les croyant morts. Mais un frisson bientôt courut par les allées. Une averse entr'ouvrit les feuilles flagellées, ruisselantes et claquant sur le sol avec bruit. Et sur les deux vieillards qui grelottaient encore, la pluie, en flots épais, tomba toute la nuit. Puis, lorsque reparut la clarté de l'aurore, sous les goûts persistants des hauts feuillages verts, on ramassa, tout froids en leurs habits humides, deux petits corps sans vie, effrayants et rigides, ainsi que les noyés qu'on trouve au fond des mers.